Vous écoutez un podcast Galaxy Pop, explorateur d'univers, vecteur d'émotions. La flamme vacille, les ombres dansent, le voyage continue. Dark Souls 2. Une fois encore, je repars de Majula. Le soleil éternel et figé au-dessus de l'horizon éclaire cette côte oubliée d'une lumière douce, presque mélancolique, voire nostalgique, comme s'il refusait de tomber. Il semble suspendu, immobile au cœur d'un temps ralenti, celui d'un monde qui ne veut plus avancer. J'ai allumé 3 prime-feux, autant de flammes fragiles qui tentent d'éloigner les ténèbres. Mais malgré ces éclats de lumière, la clarté reste trouble, incertaine. Alors, moi, et encore une fois, je repars. Un sentier discret, caché derrière le vieux manoir en ruine, me conduit à une nouvelle porte, mais elle est bloquée. Devant elle, une statue pétrifiée barre le passage, figée dans un geste de panique éternelle, comme si elle avait voulu fuir une menace invisible, mais en avait été empêchée. Son visage figé exprime une peur muette. À côté, non loin en tout cas, un homme attend, assis, le regard dans le vague. C'est Bernard de Hugo. Ouf. I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Un colosse au cœur immense, à la voix grave, à l'accent chantant, qui parle d'une épée immense dont il vante les origines exotiques. Ah, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Il croit que la femme pétrifiée est une menace, ou peut-être une malédiction à briser. Sa peur est sincère, presque touchante. Hey. You don't think a real live person was turned to stone, do you? Il s'en excuse comme on s'excuse d'un défaut dont on ne peut se défaire. On s'attache vite à lui, il a l'air sympathique, mais lui aussi semble figé, prisonnier de ses propres doutes, de ses histoires inachevées. Je le laisse là à ses incertitudes et à sa solitude, lui aussi, et j'avance. Je tends une branche dansant en baumant vers la statue. Elle se fissure lentement, comme si elle reprenait vie, respirait après un long sommeil. Elle se dégage, respire, frissonne. Thank you. Thank you. Rosabeth de Melfia, une jeune magicienne désorientée, pyromancienne pour être précis. Give me... Oh, a moment, please. Elle rouvre les yeux dans un souffle hésitant. Elle tremble encore, fragile, perdue dans ce monde qui ne semble plus rien promettre. No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh. Well, I'm quite a hand at pyromancy, so perhaps you could consider this my thanks. Elle parle comme on s'excuse d'être encore en vie, comme si sa survie elle-même était une faute. Je lui offre des vêtements chauds, en tout cas ce que j'ai sous la main, un peu de réconfort dans ce monde glacial. I hate to burden you further. As you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Thank you so much. I'm very happy for this gift. Et je la renvoie pas très loin d'ici, à Majula. Là-bas, elle sera peut-être oubliée, mais elle ne sera plus seule. Je croise Créton à la croisée des chemins. Il parle peu, mais ses mots trahissent une douleur ancienne. Just wait, you dirty rat. Don't you scare me like that. I thought you were him. That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. Il veut prendre en chasse et tuer celui qui l'a trahi, Pat le Courtois. Oh, je suis pas vraiment surpris, la trahison ici n'est jamais loin. Et la rancune y laisse des cicatrices profondes. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. For the good of the world and for my own honor. I won't let that bastard live another day. Je m'enfonce dans le bois de l'ombre. L'endroit est calme, beaucoup trop calme. Un silence lourd qui n'apaise pas, qui inquiète au plus profond. Les feuilles bruissent sans vent, comme animées d'une vie propre. Les troncs semblent veiller, immobiles ou presque, mais attentifs, comme des sentinelles silencieuses. Caché dans la brume et le feuillage, des assassins invisibles guettent le moment où je leur tournerai le dos. Je ne traîne pas, je traverse rapidement la partie du bois noyée dans la brume, épaisse et étouffante. Le silence y est trop dense, comme un voile de plomb. Je sens les regards d'ennemis invisibles glisser sur ma nuque, froid, impitoyable. Non, je préfère l'angoisse franche immédiate au poids lourd d'une disparition sournoise, d'un effacement lent de moi-même. Sur le chemin, un charnier. Sur le dessus plutôt, une tête qui parle, celle de Vangarl. I like it quiet. Leave me be. Il affirme avoir perdu son corps, disparu dans l'oubli. Il ne se souvient plus vraiment de qui il était, mais il sait qu'il s'appelait Vangarl. You may call me Vangarl. If I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Et qu'il a passé sa vie à se battre. Contre quoi? Contre qui? Il sait plus. Ses souvenirs sont flous et ses voix lointaines. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad. Really. La peur de se perdre, la crainte de l'oubli le taraude. Je l'écoute, longtemps, non pas pour lui répondre, mais pour ne pas l'oublier, lui non plus. Pour garder en mémoire cette lutte absurde contre la disparition. Parce que ce qu'il dit résonne en moi, plus fort que les mots eux-mêmes. Je quitte les arbres et le silence oppressant. Partout, ces jarres rieuses qui se moquent en silence émettent un ricanement sinistre, grinçant. Elles ricanent comme des hyènes faméliques tapies dans l'ombre, attendant le moindre faux pas. Lorsque je m'en approche, une aura de malédiction me ronge lentement. Invisible mais présente, comme un poison diffus, inévitable, inexorable. Un ricanement sourd, sinistre, qui semble me dire que je suis déjà mort, que mon sort est scellé, même si je ne le sais pas encore. Je tombe dans une trappe, un chemin étroit qui mène à une petite grotte. Un homme y attend, assis dans l'ombre, Grendal encore. Le vieil érudit, habité par les abysses, dont les yeux brillent d'un savoir ancien et douloureux. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Il parle d'un autre serment, quelque chose de plus ancien, de plus ténébreux que les flammes. Une voix oubliée, interdite. May we meet again, somewhere. Sometime. J'ai pas encore tout à fait les mots pour comprendre, mais sa présence imprègne l'air lourde et inquiétante. Je repars en silence, marqué et envahi par des pensées que je ne peux nommer. Un peu plus loin, je trouve un guerrier lion. Bestiaux puissant, sauvage, mais surtout porteur d'une clé. Une clé pour une autre prison, une vraie prison, littéralement. Pour celle d'Orniflex, enfermée dans une cage de pierre. Thank you for helping me. I am Ornifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. Elle est là, courbée, mi-femme, mi-corbeau, silhouette étrange et triste, comme un écho du tableau peint d'Ariamis d'Anor Londo. Elle me salue avec grâce et une lenteur presque hypnotique. Sa voix est douce, lente, comme si elle remontait d'un puits sans fond. Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Elle me propose de transformer les âmes de mes ennemis puissants en armes puissantes elles aussi, lorsque je la croiserai plus tard dans son échoppe. Je hoche la tête silencieux, c'est sans doute ce qu'on appelle une relation commerciale dans ce monde brisé. Puis, un peu plus tard, vient le combat. Nashka la Scorpide, une créature immense et terrifiante, sorte d'écho encore une fois à Quillag. Un torse féminin, figé et sculpté d'une beauté froide et mortelle, comme taillé dans l'ivoire. Un corps de scorpion hérissé, armé de deux pinces claquantes, glissant avec une rapidité inquiétante sur le sable. Elle attaque avec des sorts magiques, me cible, m'empoigne, surgit du sol avec une violence inouïe. Une danse macabre, une chorégraphie de mort et de douleur. Mais, encore une fois, je ne suis pas seul. Tark le Scorpide se tient à mes côtés. Calme et silencieux, une présence stoïque dans la tempête. Dès qu'elle apparaît, il se jette dans la mêlée, sans hésiter. Un amant, une malédiction partagée, je le sais et je le comprends. Je reste un peu spectateur, flottant entre eux, entre douleur et combat. Le combat devient une tragédie muette. Je frappe, je recule, Tark encaisse les coups, elle crie, rageuse et désespérée. Et moi je suis là, au milieu, impuissant et absorbé par cette douleur silencieuse. Elle s'effondre, le sable est encore chaud de son sang sous mes pieds. Pas de cri, pas de joie. Juste Tark qui me regarde avant de disparaître. Et moi, eh bien moi, je sais plus trop pourquoi je me bats. Le bois de l'ombre m'a vidé. Il ne m'a rien pris, mais il m'a beaucoup rappelé. Rappelé que les corps se font et se défont, que les noms s'effacent, et que parfois il ne reste qu'un sourire triste et une voix un peu ironique pour tenir le tout ensemble. Et on continue. Pas pour vaincre, pas pour comprendre, mais encore une fois, pour ne pas sombrer.